Alors moi, je suis arrivée dans les années 70, début 70, 71 exactement. J'arrivais du Portugal, j'ai vécu deux ans, une année à Pardis, une année à Abos, et je suis arrivée en 71. Alors qu'on est arrivé ici, c'était vraiment une ville nouvelle, quoi. C'était les gens, on était tous du même quartier, on est tous arrivés pratiquement en même temps. Alors il y avait des pieds noirs, beaucoup de pieds noirs, des Portugais, des Marocains, des Espagnols, des Italiens. Et voilà, ce qui fait que c'était des familles, des très grandes familles. Enfin, il y avait beaucoup d'enfants. Nous, on est 10, déjà, moi, j'ai 10 frères et sœurs. Et toutes les familles, c'était comme ça. C'était des, voilà, des grandes fratries. Et ce qui fait qu'on a grandi tous ensemble. On a le même âge, on a été à l'école ensemble. C'est le bon vivre ensemble, quand même. Et Mourex, moi, je trouve que c'est une ville où il fait bon vivre ensemble. Il y a toutes les cultures qui se mélangent. Vraiment, alors vous passez dans cette rue, vous allez entendre 5 ou 6 langues différentes. Mais vraiment, c'est du portugais à l'espagnol, au marocain, au chinois, au maintenant le tunisien, il y a vraiment le turc. Alors ici, c'est le quartier, on appelait ça le quartier Est. Alors même les gens, ils disaient, quand ils descendaient au centre-ville, ils disaient on va à Mourenx. Pour les gens ici, c'était pas Mourenx. Alors le quartier Est, tout le monde disait c'était un quartier malfamé, alors que bon non, c'était juste, voilà, c'était plusieurs générations et plusieurs niveaux de vie, plusieurs religions, plusieurs, voilà, et puis c'était des grandes familles, voilà, c'était ça, c'était vraiment des grandes familles. Avec un côté ouvrier et un côté bourgeois, comme on appelait ça. C'était les ingénieurs de chez Total, c'était les ouvriers des usines. Enfin, c'était pas les ouvriers, c'était les cadres. Et nous, de l'autre côté, c'était les ouvriers. Enfin, c'était le même quartier, mais c'était séparé par une rue. Et de l'autre côté, on appelait ça les gens de chez Elf. Mais c'est vrai que les ouvriers ne se mélangeaient pas avec les ingénieurs ou les cadres. Lui aussi, alors voilà, lui, monsieur, par contre, c'était les ingénieurs. Ils habitaient en haut. Ah, lui, c'était les bourgeois. C'est toujours. Voilà, c'est un petit souci, c'est pareil. Les parents dans les usines, lui, ils habitent en haut. Et alors lui, c'est pareil, son père, ils sont décédés, tout ça. Mais lui, il a acheté une maison en haut, voilà. Comme quoi, et puis c'est un cadre, hein. c'est pas pour ça que ça l'empêche de bien vivre à Mourenx. Hein. Cette épicerie, elle a toujours existé. Mais dans les années 70, c'était une COP, enfin, on appelle ça un super U, voilà. Et il y avait le super U, la boucherie, le bistrot qui est toujours là. Après, il y avait une autre petite épicerie, imprimeur comme nous là. Après, il y avait le bureau de tabac qui a toujours existé. Après, le restaurant, c'était pas le restaurant, c'était une quincaillerie. Parce qu'à cette époque-là, on avait encore la quincaillerie. Et à côté, il y avait la boulangerie. Bon, c'est, voilà, moi, j'ai toujours connu ça. Et petit à petit, les magasins, ils ont commencé à fermer. Et moi, je suis partie sur Pau. Mais mes parents sont restés ici. Enfin, ma mère était là. Et puis, quand je passais devant, je voyais toujours ce magasin. Il avait fermé. Parce que les réparateurs de télé avaient vendu. Enfin, il n'avait pas vendu. Il avait fermé parce que les télés ne se vendaient plus. Et puis, il était à la retraite. Et puis, moi, quand je passais devant, je voyais toujours ce magasin. Et mon mari a toujours rêvé d'avoir un magasin. Il a toujours été responsable à surpôt du même type de magasin. Et puis, un jour, on s'est lancé. On a dit, tiens, pourquoi pas. Et ça fait 20 ans. Et on ne le regrette pas parce qu'il y a beaucoup de gens ici, ils habitaient à côté, ils ne se connaissaient même pas. Et c'est devenu un lieu de rencontre, mais toutes générations confondues. Et ces personnes que j'avais connues petites, je les retrouvais après 20 ans ou 30 ans après même, qui n'avaient pas changé, qui étaient toujours là, qui se rappelaient de moi. Et du coup, c'est devenu un lieu convivial. Les gens, ils arrivent ici, ils font la causette, des fois ils ne se rappellent même pas pourquoi ils sont venus. Alors c'est formidable. Et toutes générations confondues. Moi je me retrouve mes amis que je n'avais pas vus non plus depuis longtemps. Mais moi j'aime cet endroit parce que c'est vraiment un lieu de rencontre. C'est vraiment l'humain qui prime. C'est bon, c'est, voilà, on travaille, mais c'est vraiment l'humain qui prime. C'est, moi je sais que bon, voilà, quand on veut savoir quelque chose, on vient me voir. De suite, je suis mieux que la République, je sais tout, parce que tout le monde me raconte tout. Je sais toujours tout, voilà. Et c'est ce lien, moi j'ai vu pendant le confinement, c'est vrai que les gens quand ils se sont retrouvés tout seuls, le peu de temps qu'ils avaient à sortir, ils venaient ici, c'était vraiment... Puis bon, on a fait pas mal de livraisons là aussi. Ça a été terrible pour les personnes âgées, ce confinement, se retrouver toutes seules, même pas pouvoir sortir, avoir pas de la maladie. Des fois, on était leur seul lien avec l'extérieur. Hein. Et c'est là qu'on a remarqué quand même que voilà, les gens, il y avait beaucoup de solitude. Hein. Mais les gens, ils aiment. Le samedi, je fais des grillades. Et là aussi, c'est sympa. C'est un lieu de rencontre. C'est le grand barbecue qu'on met dehors. Tout le monde autour. Et voilà, ça fait la causette. C'est super sympa. Voilà. Après, quand je me mets à faire la paella, je suis dedans. Je rentre, j'ai du monde. Tout le monde va tourner. Chacun son tour. Ils sont contents. J'ai des amis qui viennent m'aider. Mais même pas parce que c'est la convivialité. Ils adorent ça. Et puis voilà, nous on aime bien, c'est un truc sympa. C'est vraiment, c'est humain, c'est l'humain qui prime. Mais toute génération, que vous allez arriver, vous allez voir un monsieur qui a 90 ans et vous allez voir le gamin de 7 ans qui vient chercher le pain. Ah ben voilà, monsieur lui aussi, c'est Mourenx. On a grandi ensemble à Mourenx. Voilà, en même temps que, enfin, un peu après moi, mais c'est voilà, c'est les anciens. C'est mon ami d'école, voilà. Et lui, pareil, ses parents, ils sont toujours là. Et lui, après, sa mère habite toujours là. Mais lui, il a racheté une maison ici aussi. Comme quoi, les enfants, ils ont envie de rester à Mourenx. On y est bien, hein. C'est bien raté. Personne ne... Et lui, pareil, je parle qu'on était les émigrés, nous. Qu'il y avait les riches et les pauvres. Allez. Voilà, c'était, ça a toujours été comme ça. Mais on vivait bien ensemble, il n'y avait pas de... Non, il n'y avait pas les problèmes qu'il y a à l'heure actuelle. Non, ça, c'est sûr. On s'entendait tous. Voilà. Alors ça, c'est le comité du quartier Est. Alors c'est des personnes de 60, la plus jeune, je crois qu'elle a 70 ans, après jusqu'à 90, je pense. Et ils se sont montés et c'est une petite association où ils font plein de choses. Ils font des voyages, ils font de la couture, c'est pour sortir vraiment les gens seuls de chez eux. Alors ils se retrouvent le mardi, je crois, et le jeudi. Ils font des lotos, jouent là aux cartes, elles font des voyages, des sorties. Et tous les ans, ils font Michoui. Et là, c'est formidable, c'est un gros michoui, et là, il y a tous les anciens, ça, c'est, il faut y aller, quoi, après, ça se finit par un loto. Mais au début, dans les années, il y a 50 ans, je pense que c'était ça, c'était justement cette convivialité pour que toutes les religions et tout ça se mélangent un peu. Et là, on retrouvait tout le monde, il y avait plus de, là, il n'y avait plus de riches, il n'y avait plus de pauvres, il y avait les cadres, les ingénieurs, les... Et voilà, et les ouvriers et tout le monde, c'était notre fête, c'était notre fête à nous. Et après, on avait la fête, parce qu'à Mourenx aussi, avant, il y avait de très très grandes fêtes. Bon, après, il y avait tous les problèmes qu'il y a eu, et puis on avait un gros défilé, les chars, les pompiers, les majorettes. Ah, mais j'étais aux majorettes aussi, parce qu'à Mourenx, on a tout fait. Et voilà, c'était formidable. Enfin, c'est formidable. Après, il n'y a pas d'esprit, il n'y a pas de... Moi, je ne trouve pas qu'il y ait de racisme à Mourenx. C'est quand je vois les élections qu'on dit « bon, Marine Le Pen l'a emporté », mais c'est pas, ils n'ont pas voté pour Marine Le Pen, ils ont voté contre Macron, les gens. Il n'y a pas de racisme, il n'y a pas de... Moi, j'ai jamais... c'est le bon vivre ensemble. Hein. Et puis en plus, bon, c'est vrai que quand même, Mourenx, on a beaucoup de structures, on a beaucoup d'entraide. Hein. Et puis il y a des clubs de sport, on peut faire pas mal de choses. On a un cinéma, on a... Voilà, c'est... C'est quand même, ouais, c'est, on est quand même bien lotis. Hein. Bon, après c'est sûr, moi je comprends les jeunes, ils n'ont pas envie de rester sur Mourenx à 20 ans. Le soir, on a envie de boire un verre, il n'y a plus rien, quoi. On a un restaurant, voilà. Ce qui manque vraiment, c'est ça. C'est le soir, quand on a 20 ans, on est obligé d'aller sur Pau. C'est pas facile pour moi. Chez moi, j'ai des enfants, ils n'ont pas envie de rester à Mourenx. C'est à 20 ans, voilà. Mais après dire que c'est une ville de retraités, c'est un peu vrai. C'est un peu vrai aussi. Moi, je vois, il y en a qui s'en vont et tout ça, mais je discutais avec pas mal d'anciens. Ils m'ont dit, mais ils ont toujours été heureux. C'était... ne leur parlez pas surtout que c'est pollué. Hein. Alors là, je vous dis pas, parce qu'on dit, bon, c'est vrai qu'il y a eu vachement de rapports qui ont été faits, la pollution à Mourenx. Mon Dieu, c'est... Non, non, Mourenx, c'est une ville saine. C'est très sain, hein. Il n'y a pas de gaz, il n'y a rien, ça pue pas, ni rien, non, non. Et ils veulent pas partir, hein. Ils ont grandi, ils sont arrivés ici quand les usines se sont montées et ils meurent ici, ils s'enterrent ici, et puis voilà. Et alors que c'était des gens qui venaient de l'extérieur, hein. Ils ne sont pas repartis chez eux. J'en connais pas mal du nord et tout ça, ils restent ici. Après, par contre, quand Péchiné a fermé, là par contre, il y a beaucoup de gens parce que Péchiné, ça fait beaucoup de mal. Et ça, c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui sont partis pour aller travailler ailleurs. Mais alors, ce qui est de marrant, c'est qu'ils sont revenus. Car à la retraite, ils sont revenus. Ils ont gardé leur maison et ils l'ont mise en location. Et des années plus tard, quand ils étaient à la retraite, chez des voisins, voilà, beaucoup de gens comme ça. Et alors, bon, de ce côté, vous allez toujours avoir pareil, les peut-être moins maintenant, mais toujours les quatre, un peu plus. Et de l'autre côté, c'est toujours les immigrés. C'est, voilà. C'est toujours resté comme ça, finalement. Alors, c'est les enfants qui ont acheté la maison des parents, souvent, parce que les parents sont décédés. Et après, c'est des gens qui sont arrivés. Mais en général, je pense que je connais tout le monde. Hein. Je crois qu'il n'y a personne que je crois qu'il n'y a pas une personne que je ne connais pas. Parce qu'on a tous grandi ensemble. Ouais. Mais après, il faut aller se balader, il faut faire... voilà, vous descendez, vous voyez les garages. Là, non, là, c'est les garages. Mais vous prenez cette rue, là, vous allez descendre, et là, vous pouvez frapper aux portes des gens, ils vont vous ouvrir. Hein. Ça, c'est sûr. Parce que c'est vraiment... je pense pas que... oui, vous allez être bien accueillis. Hein. Ça, c'est sûr. Hein. Mais n'importe où, chez n'importe qui, que ce soit des immigrés ou des Français ou n'importe quoi... il n'y a pas de problème. On n'a pas peur, hein, à Mourenx. Bon, on ferme notre porte, c'est sûr. Mais il n'y a pas... enfin, je ne pense pas que les gens sont craintifs. Peut-être un peu plus maintenant, mais il n'y a pas non plus... non. Vous allez être bien reçus. C'est sûr. Et du coup, là, alors, juste derrière, on est d'accord, voilà. C'était vraiment Lucas.